25e chapitre. Comment Mademoiselle des Garcins fait sauter le bouchon. Je vous déclare qu'il n'y avait rien de plus grotesque au monde que les noces de Mademoiselle des Garcins dans sa simple tenue de guenon, avec le dernier des laides manoirs, habillé en bergère, présidé par Potiche, vêtu en troubadour. Potiche, hâtons-nous de le dire, paraissait fort maussade de cette union, et s'il avait eu encore la fameuse épée avec laquelle il espadonnait contre son maître, le jour où je fis sa connaissance, il est probable que, profitant du bénéfice de l'article 324 du Code pénal, il eût, en sa qualité d'époux outragé dans le domicile conjugal, lavé son affront dans le sang du dernier des laides manoirs. Mais, par bonheur, Potiche n'avait point d'armes, et la démonstration hostile qu'il fit, ayant été suivie d'une épouvantable volée que lui donna le dernier des laides manoirs, les choses en restèrent là. Non pas que Potiche fût de ces époux commodes qui ferment les yeux sur ce qui se passe autour d'eux. Tout au contraire, et les chagrins que Potiche éprouva dans son intérieur le conduisirent, 18 mois plus tard, à la mort. Sur ces entrefaites, Alexis apparut, apportant sur un plateau 3 ou 4 verres, une bouteille de vin de Chablis et une bouteille d'eau de Seltz. « Tiens, dit Alexandre, j'ai une idée. Laquelle ? C'est de faire déboucher la bouteille d'eau de Seltz par Mademoiselle des Garcins. » Et sans même attendre que son idée fût approuvée, Alexandre prit la bouteille d'eau de Seltz et la déposa sur le plancher de la cage dans la position d'un canot couché sur son affût. On dit « curieux comme un singe ». Alexandre avait à peine retiré sa tête et son bras de la cage que mes 3 drôles, la drôlesse comprise, entouraient la bouteille et la regardaient avec curiosité. La guenon comprit la première que la mécanique, quelle qu'elle fût, se trouvait dans les 4 ficelles en croix qui maintenaient le bouchon. En conséquence, elle attaqua la ficelle avec ses doigts, mais ses doigts, si nerveux et si adroits qu'ils fussent, n'y pouvaient rien. Alors, elle eut recours aux dents, et cette fois, ce fut autre chose. Au bout de quelques secondes de travail, une ficelle se rompit. Il en restait 3. Mademoiselle des Garcins se remit immédiatement à la besogne et en attaqua une seconde. Les 2 acolytes, assis sur leur derrière, à sa droite et à sa gauche, la regardaient faire avec une curiosité croissante. La seconde ficelle céda. Les 2 autres étaient tournées du côté de la terre. Potiche et le dernier des laides manoirs, momentanément raccommodés, en apparence, du moins, prirent la bouteille avec une adresse merveilleuse et lui firent faire un demi-tour sur elle-même. Les 2 dernières ficelles se trouvèrent en l'air. La guenon, sans perdre de temps, attaqua la 3e ficelle. Puis, la 3e rompue, elle passa à la 4e. Plus l'opération approchait du dénouement, plus la tension était grande. Il va sans dire que les spectateurs étaient aussi intéressés que les acteurs. Bêtes et gens retenaient leur souffle. Tout à coup, une détonation terrible se fit entendre. Mademoiselle des Garcins fut jetée à la renverse par le bouchon et couverte d'eau de Seltz, tandis que Potiche et le dernier des laides manoirs bondissaient jusqu'au plafond de leur cage en poussant des cris perçants. Il y avait, dans toutes ces singeries, côtoyant les émotions humaines, un vice comica dont on ne saurait se faire une idée. « Oh !» s'écria Alexis, « je donne ma part d'eau de Seltz pour voir Mademoiselle des Garcins déboucher une seconde bouteille. » Mademoiselle des Garcins s'était relevée, s'était secouée et était allé rejoindre au plafond de la cage ses deux congénères qui, la tête en bas, suspendus par la queue comme deux lustres, continuaient de pousser des cris inhumains. « Et le petit Dumas qui croit qu'elle s'y laissera reprendre ?» dit Giraud. « Ma foi, dit Maquet, je n'en serais pas étonné. Je crois que la curiosité est encore plus forte que la leur. »« Eux, dit Michel, autant vous leur donnerez d'eau de Seltz, autant ils en déboucheront. C'est entêté comme des mulets, ces animaux-là. »« Vous croyez, Michel ?» Monsieur sait comment on les prend dans leur pays ? Non, Michel. Comment ? Monsieur ne sait pas cela ? Dit Michel du ton d'un homme plein de miséricorde pour mon ignorance. Dites-nous cela, Michel. Monsieur sait que les singes sont très friands de blé de Turquie. Oui. Eh bien, monsieur, on met du blé de Turquie dans une bouteille dont le goulot est large tout juste pour laisser passer la patte du singe. Bon, Michel, au travers de la bouteille, il voit le blé de Turquie. Allez, Michel, allez! Ils fourrent leur patte par le goulot et prennent dans cette patte une poignée de blé de Turquie. Dans ce moment-là, le chasseur se montre. Ils sont si entêtés, eux, les singes. J'entends bien. Ils sont si entêtés qu'ils ne veulent pas lâcher ce qu'ils tiennent. Mais comme la patte qui a passé ouverte ne peut pas repasser fermée, on les prend, monsieur, la main dans le sac. Eh bien, Michel, si jamais nos singes se sauvent, vous savez la manière de les rattraper. Oh, monsieur, peut-être tranquille, je n'en ferai pas d'autre. Alexis, cria Michel, une seconde bouteille d'eau de Seltz. Nous devons dire, pour rendre hommage à la vérité, que l'expérience fut renouvelée une seconde fois et même une troisième, exactement dans les mêmes conditions et à la glorification de Michel. Alexandre voulait continuer, mais je fis observer que la pauvre mademoiselle des Garcins avait le nez enflé, les gencives en sang et les yeux hors de la tête. « Ce n'est pas cela, dit Alexandre. « C'est en eau de Seltz que tu veux épargner. » »« Je vous l'avais bien dit, messieurs, que mon père, tout en ayant l'air d'un prodigue, était, au fond, l'homme le plus avare de la terre. »